Vas-y, essaie encore. Tu voulais m'atteindre, je n'ai rien senti. Je suis une warrior. Ce que j'ai vu hier, tu le vis aujourd'hui. Tu veux me voir tomber. Tu ne seras pas le premier. Je me relèverai. Tant pis si la lionne saigne. Elle reste dire. Des coups contre le vent, contre les fous. N'importe elle reste la reine. Elle reste la reine. Réessaie encore. Je suis une warrior. Et si tu te réjouis quand je suis blessée, non tu ne seras pas le dernier. Je me relèverai. Si la lionne saigne, elle reste tirée. Retourne dans l'arène. Le goût du sang, le poids des coups. Contre le vent, contre les fous. N'importe elle reste la reine. Reste là. C'est quand la lionne saigne que les hyènes reprennent le courage. Et même si je saigne pas de haine, je resterai sage. La lionne sing.